J'ai pas besoin d'eux, j'apprends à compter mes mesures seules. Allez leur dire que tant qu'il y aura de la vie, il y aura du seum. Les armes s'affinent, les impacts gonflent. On m'a dit qu'un pack de 12 faisait pas peur à un gosse de 11 ans. Que sans équivoque enfle, qu'on arrive délicatement comme une rafale dans la hanche. Que les signatures se font rares, que c'est la S. Que les mecs s'éclatent les naseaux et ça même devant leur russe. Arrête, les maladies se propagent. Qu'on parle pas d'une âme sportive quand y'a histoire de dopage. Allez leur dire que pendant je gratte devant l'ordi, combien de mômes pensent devenir riches en devenant l'ordi. C'est pas facile d'évoluer au bagne, de dormir aux côtés d'un tueur juste pour un vol de bagnole. Vous leur direz aussi que le son sonne 2091D. Allez leur dire que le pack il ne fait pas le caïd. Scar, que le rap c'est pas que Paris. Allez leur dire que tous les choix ont un tarif. Que dans la vie y'a des hauts et des bas, ouais ça varie. Allez leur dire que l'amour remplacera la haine. Qu'un jour prochain la joie remplacera la peine. Allez leur dire que je ne mens pas. Qu'un jour prochain la montagne remplacera la plaine. Allez leur dire que le sommeil ici se perd. Que les soucis d'argent sont là et n'épargne son père. Allez leur dire qu'on croit en nous, en nos valeurs, en notre histoire, en nos racines, en nos malheurs. Allez leur dire que de nos jours l'espoir se fait rare. Que l'esprit du sport vrille en paix que quand je paiera. Courez leur dire que les faux sont grillés. Que les vrais sachent que les bons se lèvent quand les bons se lèvent pour briller. Allez leur dire que la prison n'est pas un point de passage. Que les pointures aiguillent les petits, que l'on cesse les passades. Allez leur dire qu'il n'y a pas de mal au mélange. Pour ceux qui pensent que si, on ne fera pas bon ménage. Allez leur dire que le sang coule sur certaines terres. Qu'à des endroits de la planète, l'espérance de vie c'est courte. Allez leur dire qu'on n'est pas forcément venu pour plaire, mais pour montrer que nos sons de la campagne s'écoutent. Allez leur dire que le pack il ne fait pas le caïd. Scar, que le rap c'est pas que Paris. Allez leur dire que tous les choix ont un tarif. Que dans la vie y'a des hauts et des bas, ouais ça varie. Allez leur dire que l'amour remplacera la haine. Qu'un jour prochain la joie remplacera la peine. Allez leur dire que je ne mens pas. Qu'un jour prochain la montagne remplacera la plaine. L'existence n'est pas une chienne. Une fillette afghane qu'on part à life avec la sienne. Tu leur diras aussi qu'elle t'a donné l'enfant que t'aimes. Que son premier regard était un signe. Au fait faut que je fasse passer le message. Ta mère t'adore grave, elle reste fière de toi. Malgré toutes ses heures cardaves. Tu leur diras que c'est ça la vie et ses aléas. Qu'on a tous tué le temps à chaque l'idéal. Allez leur dire aussi que tout n'est pas toujours gris. Qu'il est possible d'y arriver, on me l'a toujours dit. Allez leur dire que l'homme n'est pas si mauvais. Que l'on ne jette pas tout le monde dans le même sac s'il vous plaît. Allez leur dire que la persévérance paie. Que la paix plus que la guerre se mérite, je vous rappelle. Les gars allez dire que les éloges nous sont égales. Que sans équivoque n'a pas d'égal. Allez leur dire que le pack il ne fait pas le caïd. Scar, que le rap c'est pas que Paris. Allez leur dire que tous les choix ont un tarif. Que dans la vie y'a des hauts et des bas, ouais ça varie. Allez leur dire que l'amour remplacera la haine. Qu'un jour prochain la joie remplacera la peine. Allez leur dire que je ne mens pas. Qu'un jour prochain la montagne remplacera la plaine.